بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc au Sharh Barakallahu Fikoum, la lecture et l'explication de Kitab At-Tawhid. Aujourd'hui donc un nouveau chapitre. La parole de l'auteur rahimahullah, Babu Maja'a fil Kuhani wa Nahwihim. Babu Maja'a fil Kuhani wa Nahwihi, le chapitre concernant les textes liés aux voyants et autres, et ceux qui leur ressemblent. Il nous dit rahimahullah, wa rawa muslimun fi sahihihi, عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. Et donc il nous dit l'auteur رحمه الله, l'imam muslim il rapporte dans son sahih, selon certaines épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est voulu ici c'est Hafsa bint Umar. Donc selon certaines épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui va à un sorcier, excusez-moi, celui qui va à un voyant. Et donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va voir un voyant, qui l'interroge et ensuite qui le croit dans ce qu'il dit, alors sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Alors, en fait, il y a un point important, barakallahu fikoum, c'est que ici, ce que l'auteur il nous a cité, ce n'est pas ce qui est cité dans le Sahih Muslim. Dans le Sahih de l'imam Muslim, il est cité, donc les termes qui sont cités, c'est Man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 layla. Et donc ce qui est cité dans le Sahih Muslim, c'est celui qui va voir un sorcier et qui l'interroge, alors sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Quelle est la différence entre les deux formulations que j'ai citées, entre la première et la deuxième, pour voir si vous êtes concentré à 7 heures du matin? Le premier, la condition c'était de quoi? L'autre c'est simplement d'interroger. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Et donc voilà, c'est ça. Ici, il y a une très grande différence entre les deux. Dans ce qu'a cité l'auteur, il faut interroger et croire pour avoir cette sanction. Et cette sanction qui est lourde. Le fait que sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Et ça, c'est concernant la personne qui interroge. Que dire de la personne, du voyant en lui-même? Et donc, ça c'est la première version. La deuxième version, qui est la version qui est citée dans Sahih Muslim, c'est juste le fait d'interroger le voyant. Juste le fait d'interroger le voyant, cela fait que la prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Et c'est ce donc qui est voulu ici, barakallahu fikoum, celui qui va voir le voyant, même s'il ne le croit pas. Ah, le fait déjà qu'il va... Le fait d'aller le voir, de l'interroger, ta prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Est-ce que ça veut dire que tu dois délaisser la prière? Je prends un exemple. Alors, donc tu vas voir un magazine qui te présente donc l'astrologie, différents signes, vierge, cancer, etc. etc. Donc tous ceux qui sont cancer, dans leur journée, il y aura ci, etc., etc., etc., etc. Une personne, elle voit ce magazine, elle le prend, elle le lit. Elle le lit. C'est comme si elle avait interrogé un voyant. Tu lis ça, c'est comme si tu as interrogé un voyant. Maintenant, tu vas croire en cela, c'est comme si tu as cru un voyant. Parce que là, le voyant, il a écrit cela pour que tu le lises. Et c'est comme si tu es venu chez lui et que tu as posé une question et qu'il t'a dit, la question concernant les cancers, c'est ça, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, une personne va tomber dans cela, dans ce problème. Elle va aller voir un voyant. Ou alors, elle va lire ce genre de magazine et elle ne va pas y croire. Elle apprend ce hadith. Sa prière n'est pas valable pendant 40 jours. Est-ce qu'elle peut se dire, ok, d'accord, donc je délaisse la prière pendant 40 jours, puisque de toute façon, elle n'est pas acceptée. On va lui dire non. L'obligation de prier, elle est toujours là. Tu as l'obligation de prier. Mais maintenant, est-ce que ta prière elle est acceptée et que tu es récompensé pour cette prière? Non. Non, non. Pendant 40 jours, c'est ta punition. Mais par contre, l'obligation, elle est encore là. Et si tu délaisses cette obligation, alors là, c'est autre chose encore. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, de bien comprendre cela. Ensuite, il dit l'auteur, « وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَهُ أَبُو دَاوُدُ. Selon Abu Hurairah radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va voir un voyant et qui le croit dans ce qu'il dit, alors certes celui-ci aura mécru à ce qui a été révélé à Muhammad, ce qui est descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Daoud, et ce hadith il est authentique. Et donc ici on a deux situations. La première situation, la situation de celui qui va voir le sorcier, qui l'interroge, mais il ne le croit pas. Alors celui-ci, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. La deuxième situation, celui qui va voir le sorcier, qui l'interroge et qui le croit, celui-ci, kafar. Il a mécru au Coran et à la Sunna. Et donc ici, le fait de croire le sorcier, c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. Pourquoi ? Le fait de croire le voyant, c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. Pourquoi ? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala est le seul qui connaisse l'inconnaissable. Le seul qui connaisse l'invisible. Aujourd'hui, ces gens-là, ils prétendent connaître quoi que ce soit. Ils prétendent connaître l'invisible et l'inconnaissable. Et donc, en cela, il mécroit au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla qui nous dit dans son livre, « Qul, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. » Dit, « Ceux qui sont dans les cieux et la terre ne connaissent pas l'invisible en dehors d'Allah. » D'accord ? Et donc, seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît l'invisible et l'inconnaissable. Tayyib, une personne va voir un sorcier pour le dénoncer et pour lui montrer qu'il ne connaît pas et pour le prêcher, pour l'amener à la vérité. Est-ce que cette personne, sa prière n'est pas acceptée? Non. Non, parce qu'il va pour le... Et donc là, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, il n'est pas allé voir le sorcier pour prendre une information, mais il est allé voir ce sorcier pour le prêcher, pour l'aider à arrêter. D'accord? Une fois, j'avais trouvé... une affiche, une publicité sur ma voiture à Fort-de-France, hein, un voyant du moins. Alors j'ai appelé, j'ai composé le numéro et j'ai appelé. Il répond, je dis qui suis-je? Je lui dis qui suis-je? Il m'a dit, mais comment ça monsieur, c'est vous qui m'appelez. Je lui dis, c'est toi qui prétends être un voyant, qui suis-je? Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Je lui dis, allez, je vais faire plus facile, où suis-je? Il m'a dit, où avez-vous pris la publicité? Où avez-vous pris la publicité? Il m'a dit, en Martinique. J'ai dit, ah, vous êtes trop fort. Je lui ai dit, arrête tes mensonges. Tu sais très bien que tu ne connais rien du tout, que tu ne connais pas l'invisible. Repends-toi, Allah Azza wa Jal, etc., etc. Et donc, je l'ai conseillé. Et je lui ai dit d'ailleurs que s'il avait une quelconque possibilité, puisque ça se voyait que c'était un étranger, et donc je lui ai dit, si tu avais une quelconque possibilité, un quelconque pouvoir, eh bien pourquoi est-ce que tu ne soutiens pas ton pays contre l'oppression des colons qui sont en train de vous piller tous les jours avec donc le CFA. Avec le CFA. Pourquoi? Éco maintenant? Éco CFA? Et donc pourquoi est-ce que tu ne les soutiens pas justement ton pays puisque tu as autant de pouvoir, hein? Tout simplement parce que tu n'as pas de pouvoir. Tu sais très bien que tu es un menteur, un charlatan. Alors il a raccroché. Et donc ici, lorsque tu vas dénoncer un sorcier, un voyant, lorsque tu vas faire en sorte pour éloigner les gens de lui, tu ne tombes pas donc dans ce péché. Il continue l'auteur, rahimahullah, il nous dit « Walil arba'ati wal hakim »« Kale wa kale sahihun ala shartihima » Et donc un texte rapporté par ici, donc « El arba'a » les quatre. Donc ici, ainsi que « El hakim » Et Al-Hakim qui dit Sahihun ala shartihima, que le texte, que le hadith, il est authentique et qu'il respecte les conditions de Al-Bukhari et Muslim. Selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul fa qad kafara bima unzila ala Muhammad. Et donc ici les termes, celui qui va voir un arraf ou un kahin. Tout à l'heure, je vous ai lu le terme kahin dans un hadith, ensuite le terme arraf dans un autre hadith, ou alors l'inverse, et à chaque fois, j'ai traduit par voyant, celui qui va voir un voyant. Ici, il nous dit celui qui va voir un arraf ou un kahin. Il a fait la distinction entre les deux. Les savants, ils ont abordé ce sujet. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux, entre le arraf et le kahin, que en français, on va traduire par voyant. On va voir ça, inshallah ta'ala. Et donc, celui qui va voir un des deux, et ensuite qui le croit dans ce qu'il dit, aura mécru à ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, wa li abi ya'la bi sadadin jayyid an ibn mas'udin mithluhu mawqufan. Et selon Abu Ya'la, avec une chaîne de transmission qui, avec une bonne chaîne de transmission rapportée par Ibn Mas'ud, la même parole mais qui est attribuée à Ibn Mas'ud. Et donc après cela, l'auteur qui nous dit wa an Imran ibn Hussein marfu'an. Et donc selon Imran ibn Hussein qui attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Albani, rahimahullah, il a authentifié ce hadith, donc en sachant qu'avec d'autres hadiths qui viennent le renforcer. Pourquoi? Parce que ici, Imran ibn Hussein, il n'est pas compagnon. Donc il attribue une parole au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui, il n'est pas un compagnon. Donc il faut d'autres chaînes de transmission qui vont monter jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour renforcer celle-ci. Et l'imam al-Albani, rahimahullah, donc, il a authentifié ce hadith. Qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Laysa minna man tatayyara au tutuyyira lahu, au takahana au tukuhina lah, au sahara au suhira lah, wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam » Rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ne fait pas partie des nôtres. Et donc ici le prophète il se désavoue de certaines caractéristiques. Il se désavoue, ne fait pas partie des nôtres. Celui qui croit en l'augure ou celui pour qui on fait de l'augure et qui accepte cela. Donc celui qui pratique l'augure ou celui pour qui on pratique l'augure. Ils ne sont pas des nôtres. Ainsi que celui qui est voyant, qui pratique la voyance, ou celui pour qui on fait de la voyance et qui l'accepte. C'est-à-dire lui, ce n'est pas un voyant, mais on fait de la voyance pour lui. Et donc ici, le prophète, il se désavoue de cette personne. Et il n'est pas des nôtres, celui qui fait de la sorcellerie ou celui pour qui on fait de la sorcellerie. Et ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui va voir un voyance et qui le croit dans ce qu'il dit, aura mécru à ce qui a été descendu sur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bazzar, avec une bonne chaîne de transmission. Ensuite il dit l'auteur, rahimahullah, donc, ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس Et donc, une autre narration de ce même hadith rapportée par At-Tabarani dans son livre Al-Awsat avec une bonne chaîne de transmission selon Ibn Abbas qui cite le même hadith sans la fin, juste en citant ne fait pas partie des nôtres celui qui pratique l'augure ou celui pour qui on pratique l'augure ou celui ainsi que celui qui pratique la voyance ou celui pour qui on pratique la voyance. Ainsi que celui qui pratique la sorcellerie et celui pour qui on pratique la sorcellerie. Et donc il y a dans ce hadith clairement le désaveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces pratiques-là. Et cela nous montre la gravité de ces actes. Et cela nous montre encore une fois, barakallahu fikoum, la négligence ainsi que l'insouciance qu'on peut trouver dans certaines communautés donc certaines communautés musulmanes face à ce sujet. Face à ce sujet, le sujet de la voyance et de la sorcellerie, et le fait que, bah, en fait, c'est pas grave. Malik, c'est pas grave, en fait. Et les gens, malheureusement, comme je le dis souvent, ils ne prennent conscience du danger de la voyance et de la sorcellerie que quand ça les touche. À eux. Que quand ça les touche. Et donc, à partir de là, ils vont se dire, ah, le voyant, c'est quelqu'un de mauvais, etc. Tant que ça ne nous touche pas, c'est pas grave. On le voit tous les jours, mais c'est pas grave. Et c'est pour cela que le cheikh Ubayd al-Jabiri, il dit dans son explication, il dit, « وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجِبُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلِيهِمْ مِنْ مُحْتَسِبٍ وَغَيْرِهِ أَنْ يُقِيمَهُمْ مِنْ أَسْوَاقِ النَّاسِ وَأَنْ يَطْرُدَهُمْ مِنْ مَحَافِلِهِمْ الْعَامَّةِ » Et donc, ici, il nous dit, le cheikh, et c'est à cause de cela que certains des gens de science ont dit qu'il est obligatoire à toute personne qui a la capacité de le faire, parmi ceux qui espèrent la récompense et d'autres, de les faire se lever des marchés où vont les gens. C'est-à-dire de les faire sortir des marchés où vont les gens. Parce que les gens, quand ils vont aller au marché, ils vont tomber sur eux. Et certaines personnes vont aller les voir. Et donc, il dit, il est obligatoire donc de ne pas laisser les sorciers, de ne pas laisser les voyants parmi les gens et de ne pas les laisser dans les endroits de rassemblement généraux où les gens vont se rassembler. Et il continue le cheikh Ubayd. Il dit, wa akul, et je dis, يجب على من علم أحدا من هؤلاء أن يخبر ولي الأمر. Il est obligatoire à toute personne qui connaît un de ceux-ci, donc une personne qui pratique la sorcellerie, la voyance, etc. Il lui est obligatoire d'informer les autorités. D'informer les autorités. Ici, le cheikh, il nous dit ça parce que en Arabie Saoudite, tu informes les autorités de cela. Les autorités vont aller voir ce voyant, ce sorcier. Ici, ils n'en ont rien à faire. Tant que ce n'est pas Mbappé qui a été touché par la sorcellerie, personne ne va rien faire. Si c'est Mbappé qui se fait toucher par la sorcellerie ou la voyance pendant la Coupe du Monde, là, les gens vont commencer à dire, « Ah ouais, non, c'est vrai que oui, ce n'est pas bien la sorcellerie, on va faire quelque chose contre celui qui a envoyé le sorcier, etc. etc. » etc. Donc, tant que ce n'est pas ça, il n'y a pas de problème. Mais ici, pourquoi est-ce que je vous lis ça? C'est pour que vous compreniez la gravité des choses. Tu vas aller voir la gendarmerie, tu vas aller voir la police, tu vas leur dire, il y a un sorcier à telle et telle adresse, il fait ça, ça, ça. Les gendarmes, ils vont prendre ton truc et ils vont rien faire avec. Ça va servir à rien. Il dit donc, afin que les autorités puissent sanctionner ces sorciers et ces voyants, et afin que les gens soient privés, soient protégés, soient préservés de leur mal. Ensuite, il dit, فَإِنَّهُمْ خَطَرٌ عَظِيمٌ عَلَى الْمُجْتَمَعِ. Car ces gens-là, ces sorciers, ces voyants, représentent un grand mal pour la communauté. خَطَرٌ بِمَا يُعَوِّقُونَهُ فِي نُفُوسِ النَّاسِ مِنَ التَّعَلُّقِ بِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et donc, c'est un danger pour la communauté à cause de ce qu'ils vont placer dans les âmes des gens, dans le fait de s'accrocher à autre que Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, ils sont un danger pour les gens, à cause de ce qu'ils vont faire que les gens s'accrochent à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa khatarun kadhalika ala an-nas, bima ya'kulunahu min amwalihim, wa huwa min akli amwali an-nas bil batil. Et donc, les sorciers, les voyants sont aussi un danger pour les gens, à cause du fait qu'ils mangent l'argent des gens. C'est-à-dire qu'ils, en fait, ils profitent des faibles et mangent l'argent des gens de manière injuste. Et rien que pour ça, aussi, les autorités ici devraient normalement s'occuper de ces gens-là. Parce que ces gens-là, en réalité, volent l'argent des gens. Ils profitent de la faiblesse de certaines personnes pour prendre leur argent sans aucun droit. Et certains d'entre eux peuvent aussi parvenir jusqu'au fait de violer l'honneur de certaines personnes, wasef qui dimet, et aussi le fait de faire couler le sang. Mais comme je vous le dis, malheureusement, aujourd'hui, personne ne prend, ou beaucoup de personnes ne prennent pas conscience du mal des sorciers et des voyants et ne reconnaissent ce mal que quand eux, ils sont touchés ou certaines personnes de leur famille. Al-Barawi, قال البغوي رحمه الله العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. Et donc maintenant on va à la définition du voyant. Qu'est-ce que le voyant? Et donc on avait dit qu'il y a une différence entre, donc certains savants voient une différence entre l'arraf ainsi que l'kahin. Alors il nous dit que al-Barawi, il dit que le arraf, donc le voyant qu'on appelle arraf, c'est celui qui prétend connaître les choses en faisant certains actes sur lesquels il va se baser pour connaître ce qui a été volé et pour connaître aussi donc, les objets qui ont été perdus et autres. Et donc, l'arraf, c'est celui qui va t'informer concernant ce que tu as perdu ou ce qui a été volé. Et l'arraf qui va être lié plus au passé, ce qui a été perdu et ce qui a été volé. Et il fut dit, Al-Arraf, c'est Al-Kahin. Al-Arraf et Al-Kahin, c'est la même chose, c'est un voyant. Al-Kahin, et il fut dit, Al-Kahin, c'est le voyant qui t'informe des choses de l'invisible dans le futur. Et donc, certains savants vont faire la distinction entre l'arraf et l'kahin. L'arraf, celui qui t'informe des choses invisibles dans le passé. L'kahin, celui qui t'informe des choses invisibles dans le futur. Et il fut dit, donc, que le kahin, c'est celui qui t'informe de ce qu'il y a dans les cœurs, de ce que tu caches. Ce qui est voulu ici, c'est que tu dis, je cache quelque chose, qu'est-ce que j'ai caché? Qu'est-ce que je ne dis pas? Comme lorsque j'ai parlé à ce voyant et que je lui ai dit, qui suis-je? Où suis-je? Etc. Et donc ils te disent, le voyant, c'est celui qui t'informe de cela. Quand le Abu al-Abbas ibn Taymiyyah, al-Arraf ismun lil-kahin wal-munajjim wal-rammel wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifati al-umur bi hadhihi al-turuq. Ensuite il nous dit l'auteur ibn Taymiyyah rahimahullah. Et donc, Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah qui dit que Al-Arraf, c'est un nom pour Al-Kahin, donc un sorcier. Et ainsi que Al-Munajjim. Al-Munajjim, l'astrologue. Ainsi que Al-Ramel. Al-Ramel, celui qui va faire de la voyance en utilisant le sable. Ainsi que, et tout ce qui va dans ce sens, parmi tous ceux qui prétendent connaître les choses en utilisant ces méthodes. Ensuite, le dernier texte qu'a cité l'auteur, il nous dit « Qal ibn Abbas, fi qawmin yaktubun abajad, wa yanzuruna fin nujum, ma ara man fa'ala aw ma ura » On peut avoir les deux. « Ma ara man fa'ala dhalika lahu inda Allahi min khalaq » Et donc, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui parle concernant ceux qui écrivent « abajad ». C'est une écriture, ou du moins un alphabet, c'est un ordre d'alphabet qui va être utilisé. Donc les savants nous disent que cet ordre d'alphabet, au lieu de faire comme on a l'habitude de faire alif, ba, ta, fa, etc., là on a un autre ordre, et donc on l'appelle abajad, parce que ça commence par ça, ça commence par abajad, donc la lettre alif, ensuite ba, ou du moins la hamza, ba, alif, Jed, etc. Tout ça, c'est pour... Certains utilisent cela pour mémoriser certaines lettres. Ils utilisent cela pour mémoriser certaines lettres. Donc, ici, cette forme, Abajed, cette forme, Abajed, il dit, Nabes, celui qui utilise cela alors qu'il regarde les étoiles, alors je ne pense pas qu'il ait quelconque part auprès d'Allah. Pourquoi? Parce que cela va être aussi utilisé par les voyants qui, eux, veulent prétendre connaître l'invisible en se basant sur les étoiles et l'écriture Abajad. En se basant sur les étoiles et l'écriture Abajad. Et donc Ibn Abbas qui nous dit, celui qui fait cela, je ne pense pas qu'il ait quelconque part, c'est-à-dire quelconque récompense auprès d'Allah. Ça veut dire, ici les savants ils nous disent, ceci est un takfir. Et donc les gens qui font cela ne sont pas musulman, c'est-à-dire celui qui fait cela et qui cherche à connaître donc l'invisible et qui prétend connaître l'invisible, n'a aucune part auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi donc qu'on termine ce chapitre concernant la voyance dans Kitab al-Tawhid. Et il est où le lien entre la voyance et le livre Kitab al-Tawhid? Tout simplement parce que la voyance contredit le Tawhid. La voyance contredit le Tawhid. Le Tawhid, le fait que tu crois en Allah tabaraka wa ta'ala, que tu crois en ses noms, en ses attributs, et bien tu vas croire que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le seul qui connaisse l'invisible. Et c'est ça le Tawhid. Cela fait partie du Tawhid. Et donc le fait aujourd'hui d'aller voir un voyant, de croire un voyant, tout cela est contraire au Tawhid. Barakallahu fikum. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une science profitable et de nous protéger du mal des voyants et des sorciers, et d'éloigner ces gens de nos familles, d'éloigner ces gens de notre île et donc de, et aussi des pays musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.